Bonsoir. Je remercie Paris d'accueillir Toulouse et je remercie les sociologues d'accueillir les historiens. La vérité d'hier est toujours celle d'aujourd'hui. Voilà la phrase que l'on trouve sur le site officiel de la ville de Mazamet quand on se connecte. Et cette seule phrase permet de comprendre que l'histoire de Mazamet ne va pas de soi. Mazamet est une ville du sud du Massif central qui, depuis le XVIIIe siècle, a vu se développer une proto-industrie textile, puis au milieu du XIXe siècle, a mis au point la technique du délainage. Et cette industrie a assuré à la ville une réelle prospérité jusqu'au milieu des années 1980 environ. Mais Mazamet, c'est également cette ville où, ouvrez les guillemets, les ouvriers votaient à droite et les patrons votaient à gauche. Cette phrase est souvent entendue et souvent lue, encore aujourd'hui, en 2018. Et d'ailleurs, une partie des habitants de la ville est très fière de ce paradoxe qui rend à leur ville une certaine singularité. Et ce paradoxe, il l'explique assez simplement, en expliquant, mais bien sûr, les ouvriers étaient catholiques et les patrons étaient protestants. Donc, de fait, l'appartenance religieuse suffirait à expliquer, voire à légitimer, un comportement politique singulier. Et là, l'historien demeure quelque peu sceptique, puisqu'on ne donne pas de périodisation très précise lorsqu'on affirme ce paradoxe. On évoque un passé que l'on ne questionne pas, un passé qui relèverait d'une histoire achronique. Or, pour penser les relations entre le religieux, le social, le politique, nous devons contextualiser, nous devons proposer des périodisations de la situation énoncée, si elle fut effective, ou une périodisation de sa mise en récit. Et comment réfléchir donc au rapport du religieux, du social et du politique sans produire d'anachronisme, tout en tenant compte des jeux d'échelle sur un temps relativement long. Nous réfléchirons donc ici à un double processus d'ambivalence opératoire, d'abord celle du registre politico-religieux, puis celle du domaine social et syndical, et enfin nous essaierons de montrer comment la réflexion de l'historien peut aider peut-être à clarifier certaines évidences qui paraissent convenues. Et tout d'abord, donc, essayer de réfléchir sur le sens des mots. Trouble et ambivalence dans les mots. Qu'est-ce que signifie être de droite, être de gauche, si on se réfère au temps court du politique? Je vais aller chercher chez Brodel quelques références en termes de temporalité. À Mazamet, lorsqu'on observe de près les familles politiques des élus locaux et de ses alentours, il ne semble pas que la bipolarisation de la vie politique soit si forte que ce que le discours veut bien le dire. En effet, de 1867 à 1962, pour la droite, c'est une même famille qui règne sur la région. C'est la famille, la dynastie des Reyes-Soult, qui siège au Palais Bourbon, bonapartiste au départ. Ils évoluent vers un conservatisme anti-républicain catholique classique ensuite, et se rallient à la République dans l'entre-deux-guerres, et puis le dernier de leurs élus, et gaulliste, clairement affiché gaulliste jusqu'en 1962. Voilà, pour c'est le siège de député qui les intéresse. Ceux que l'on qualifie de patrons de gauche protestants font partie à la fin du XIXe siècle du camp des républicains, mais ils évoluent aussi avec le temps, soit vers la famille des opportunistes à l'Assemblée, proche de Gambetta, de Thiers. L'autre groupe évolue vers plutôt la famille radicale socialiste, c'est-à-dire qu'on est dans une classe politique protestante entre la droite modérée et la gauche modérée. Ils ne prônent ni la lutte des classes ni la révolution et défendent donc les grands idéaux de 1789, l'idée de laïcité, sans rien toucher à l'ordre social qui existe dans cette ville et que je vous donnerai à voir ultérieurement. Et il existe par ailleurs à Mazamet une partie des chefs d'entreprise et d'élus de confession protestante très marqués à droite, voire proches du groupe Sully ou de l'ordre français, c'est-à-dire là qu'on flirte avec l'extrême droite. Il n'est donc pas si simple d'affirmer que l'on a à Mazamet un patronat protestant de gauche dans un premier temps. Et on va essayer de voir pourquoi tout ça est un peu plus complexe. Donc, deuxième terme à clarifier, qu'est-ce que signifie patron et ouvrier? Ça a été posé à la session précédente. Et là, je rentre dans le temps moyen de l'économique et du social. Si je parle des patrons mazamétains, j'en parle à quelle époque? Je parle quel type de patron? De ceux des petites structures qui travaillent à façon, en sous-traitance et qui dépendent des plus gros? Je parle des dynasties, des Cormoux-Soulés, des tourniers à l'image des Devendel, les maîtres des forges lorrains, J'évoque ceux qui se lancent dans le délainage dans les années 1860 ou ceux de la génération de la prospérité des années de l'entre-deux-guerres, ou j'évoque encore ceux qui voient péricliter l'activité dans les années 1960-70. De la même façon, à Mazamé, de quoi l'ouvrier est-il le nom ? Il existe une pluralité d'ouvriers dans le temps socio-économique de la région. On a des ouvriers payés à la tâche, on a les ouvriers payés à l'heure, on a ceux qui pèlent, ceux qui sabrent, ceux qui suspendent les peaux. On a des hommes, on a des femmes qui systématiquement ont un salaire inférieur de moitié à celui des hommes. Puis on a les ouvriers d'avant 1903 qui ne bénéficient d'aucune protection sociale. On a ceux de 1903-1940 qui bénéficient du paternalisme patronal dans la ville. Et puis on a ceux qui ensuite bénéficient des accords qui ont été signés, accord Matignon, accord de Grenelle dans les années 60-70. La question qui se pose pour nous est donc de savoir si sur cette longue période, on peut parler pour Mazamé de l'existence de classes sociales. Une historiographie d'inspiration marxiste l'a fait dès les années 1970. Elle a opposé de façon évidente un patronat et une classe ouvrière revendicative pour le début du siècle. Alors oui, d'un point de vue marxien, pour ce qui est des ouvriers à Mazamé, on n'est pas réellement dans une logique de classe consciente de sa domination. D'un point de vue weberien, on peut affirmer que des classes sociales existent et cohabitent dans la ville. On se trouve de fait dans une situation où, face à un fort degré d'inégalité sociale de 1850 à 1960 environ, le degré de conscience de classe est très faible pour les ouvriers, alors qu'il est, très clair pour les patrons. Et de fait, on est dans une situation pour le groupe ouvrier d'aliénation, c'est-à-dire d'un groupe qui n'a pas forcément conscience qu'il est en situation de domination dans de nombreux domaines et qui finit par trouver légitime le discours qu'on peut porter sur lui. Et troisième terme sur lequel je souhaitais clarifier aussi les mots, le talon du religieux. Ça signifie quoi être catholique ? Ça signifie quoi être protestant ? Le temps du religieux prend son temps. Il relève du talon qui ancre les attitudes et les comportements dans des logiques parfois difficiles à appréhender. Il relève des structures qui en partie contribuent à constituer les outillages mentaux des individus. Et en France, les catholiques et les protestants ne s'inscrivent pas dans les mêmes temporalités. Dans le Mazamétain, au début du XXe siècle, on a trois communautés protestantes. On a les évangéliques qui comptent à peu près 1000 fidèles. J'ai oublié de préciser, au début du XXe siècle, à Mazamé, 14 000 habitants, 5 000 protestants. C'est pour situer. Donc les évangéliques comptent environ 1000 fidèles, 25% de la communauté protestante, parmi lesquels des familles de notables. Et ce sont souvent ceux-là qui ont occupé des responsabilités politiques plutôt ancrées à droite et avec des positions assez conservatrices. Ils s'opposent au courant des libéraux majoritaires, hein, marqués par l'héritage des Lumières et un certain rationalisme. Ce sont souvent ceux-là qu'on va trouver proches des idées républicaines fin 19e, début 20e. Et là aussi, on a des dynasties de patrons qui mènent cette cohorte de 3000 fidèles. Et puis, on a un troisième courant, l'église évangélique libre, une petite centaine d'individus, peu d'industriels dans ce cas-là. Donc, on ne peut pas évoquer les protestants mazamétains de façon générique. Du côté des catholiques, les clivages sont quelque peu différents de par la structure même de l'institution ecclésiale, mais la rupture entre progressistes et conservateurs apparaît dans les années 20 avec la naissance d'un syndicat, la CFTC. Et puis, dans l'après-guerre, l'essor des mouvements d'action catholique, mouvements d'éducation populaire, et bien sûr le Concile Vatican II qui va consolider cette famille-là et la faire émerger. Et dans la ville de Mazamé, en fait, on a une seule paroisse jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, parce que du XVIe jusqu'à la fin du XVIIIe, la majorité en fait, de la population est protestante. Donc, ce n'est qu'au XIXe siècle, quand la main-d'œuvre afflue des montagnes environnantes d'origine paysanne et catholique, que l'inversion protestante-catholique opère. Et on se retrouve ici avec, de fait, un groupe social ouvrier avec une pratique catholique forte, importante, et à la pointe d'une catholicité combattante face à des ennemis patrons protestants, Mais cette minorité protestante, celle qui détient le capital social, le capital économique et le capital culturel. Donc, c'est là toute l'ambivalence du rapport protestant-catholique dans cette région du temps. Au XVIe et XVIIe siècle, les protestants sont majoritaires, alors qu'à l'échelle nationale, ils sont minoritaires. Et ce sont donc, dans cette région de Mazamet, les catholiques qui doivent exister contre un ordre réformé, d'où probablement leur radicalité, tout comme les protestants se construisent contre un ordre catholique à l'échelle nationale. Et avec un changement d'échelle géographique, il y a changement de paradigme dans le temps. Donc, pour continuer sur... et je ne vais pas y arriver, je vais me dépêcher. La ville de Mazamet, donc, au début du XXe siècle, compte 120 établissements industriels qui emploient à peu près 6000 ouvriers. Et on a deux syndicats. On a un syndicat, la CGT, qui fonde et qui contribue en partie de l'ordre social consensuel de la ville, que je vous ai mis sous forme d'organigramme. On pourrait penser donc que des ouvriers au début du XXe siècle prennent conscience d'appartenir à une classe dominée, opprimée, pas si sûr. On a une grève en 1909 qui dure 6 mois. Clémenceau s'en mêle, Jaurès s'en mêle, Griffuel, le secrétaire national de la CGT, s'en mêle aussi, l'archevêque s'en mêle. Je vous cite leurs mots. Griffuel, donc, à aucun moment nous ne nous permîmes la moindre réflexion touchant les convictions politiques et religieuses de chacun des camarades. Je cite Jaurès, « Je ne veux pas vous apporter l'exposé de la doctrine socialiste, je sais que ce n'est pas en un jour que l'on fait des socialistes, mais je dis aux travailleurs, retenez de la grève au moins cette leçon que la société d'aujourd'hui n'est pas bien faite. Pourquoi ? Pourquoi dans cette ville, les leaders de la gauche socialiste et cégétiste sont-ils aussi mesurés ? Pourquoi n'existe-t-il pas réellement de conscience de classe au sein de ce groupe ouvrier ? Probablement parce que l'influence de l'Église catholique, inhibe ce groupe-là, mais probablement aussi parce que le paternalisme des patrons, essentiellement protestants, les inhibe tout autant. Donc même si ces ouvriers ont une conscience des difficultés ouvrières dans leur groupe, ils ne parviennent pas à prendre conscience qu'une possibilité de lutte syndicale et politique peut renverser l'ordre des choses. Et paradoxalement, non, c'est le syndicat chrétien catholique, la CFTC, qui va venir... perturber tout ça et critiquer tout ça, parce qu'effectivement, pourquoi les ouvriers catholiques n'adhéreraient-ils pas donc à la CFTC ? Ce qui peut paraître plutôt pertinent. Et donc, il faut attendre 1929-1930 pour que ce syndicat arrive à exister à Mazamet, parce que personne n'en veut dans la ville. Personne n'en veut. Ce sont deux femmes qui le créent, ce syndicat. Une ouvrière textile, Madame Fred, et une employée de bureau, Madame Erail. Celle-ci écrit d'ailleurs à l'archevêque en 1927 « Il faut organiser à Mazamet des syndicats de cuir et de paume, il est impossible de trouver des chefs. Pourtant, il y en a qui sont à la CGT et qui devraient être avec nous. » Et ça bloque. Elles vont trouver le maire de la ville, M. Tournier, protestant de l'Église orthodoxe, conservateur de droite. M. Tournier leur répond « Deux syndicats de la même corporation ne pourront pas faire partie de la bourse du travail. Ce serait travailler à la division de la classe ouvrière. » Ce serait l'affaiblir les ouvriers de la bourse du travail, donc ceux de la CGT, qui sont indépendants de certains principes de la CGT, qui ne sont pas du domaine professionnel, sont donc mes amis. Je les considère comme mes amis, ces ouvriers-là. Le curé de la ville en 1922 répond à ces deux femmes le clergé ne doit pas entrer en lice, surtout si le syndicat existant ne dit et ne fait rien contre la religion. Cela ne servirait personne et éloignerait de la pratique religieuse les ouvriers. On en est là. Et face à cette situation paradoxale, on se rend compte donc qu'a priori, tout le monde est d'accord pour que le système fonctionne. Et les mots des agents dominants de cette ville-là, des élus, des chefs d'entreprise... entretiennent cette question d'ambivalence de classe. M. Cormoul-Soulet, dans son ouvrage « Mazamet en 1930 », écrit « À Mazamet, le sentiment religieux est très profond dans l'ensemble de la population catholique et protestante. Pour qu'un pays prospère, il lui faut une bonne politique. Il lui faut une politique qui ne fasse pas trop de politique. » Voilà. Et le maire qui a refusé l'existence de la CFTC le dit clairement « Ma devise est devoir et travail. » L'idéal de l'ouvrier est moins de poursuivre chimériquement je ne sais quel bonheur du genre humain que d'élever honnêtement sa famille dans l'amour de Dieu et le respect de l'ordre. Et là, c'est un protestant qui parle. Donc, En fait, les initiateurs et militants de la CFTC sont des chrétiens sociaux qui contestent cet ordre social mazamétain. Là, j'ai dû vous le faire un peu court. Mais il s'agit d'un ordre social construit non pas sur une opposition religieuse liée aux appartenances de classe sociale, mais plus sur une convergence de vues quant à la pratique religieuse défendue par les élites économiques, politiques et religieuses des deux communautés. Ces élites choisissent le plus souvent pour l'échelle locale des options politiques conservatrices et des options libérales sur le plan économique. Et la CFTC questionne ainsi les agents dominants, mais elle questionne aussi les ouvriers cégétistes jusqu'en 1944. Et donc, je vais essayer de faire une troisième partie. En quoi l'historien peut-il ici venir essayer de déconstruire la Vulgate ? C'est en 1974 qu'un historien, Rémi Casal, a soutenu sa thèse sous la direction de Roland de Trempé, le mouvement ouvrier mazamétain de 1903 à 1914. Retenez bien cette période, 1903-1914. L'approche scientifique du paradoxe mazamétain est logique et pertinente dans un contexte historiographique qui est celui des années 70, à savoir celui d'une histoire quantitative et sociale, celui d'une histoire de la lutte des classes. Et cet historien avoue son objectif dès l'introduction de son ouvrage, « Le prolétariat de Mazamet a une longue histoire qui a été volontairement occultée et falsifiée ». En effet, jusqu'aux années 40, ce ne sont que des notables protestants qui ont écrit sur le passé de la ville. Rémi Casal réoriente en partie l'éclairage du parti mazamétain, il renouvelle les sources et il confirme bien que ces ouvriers n'ont pas conscience réellement de pouvoir sortir de la situation qui est la leur. Ce qui pose problème, ce ne sont pas tant les travaux de Rémi Casal qui a énormément apporté à l'historiographie de la question, ce sont les travaux qui ont suivi. En effet, les travaux universitaires qui ont suivi ceux de cet historien ou ceux des érudits locaux qui ont travaillé sur le paradoxe mazamétain ont reproduit sans jamais le questionner ce que Rémi Casal a pu écrire, à savoir une thèse produite dans un contexte particulier, les années 70, traitant d'une période particulière, 1900-1914. Et on tend à rendre opératoire à partir de ce constat-là un récit historique qui aurait été efficient du milieu du XIXe siècle à la fin du XXe siècle. Donc, on a l'impression d'une histoire figée. Et là où Casal s'appuyait sur des sources précises, c'est les étudiants qui poursuivent ces travaux, ou des historiens qui poursuivent ces travaux, ne questionnent jamais les contextes de production des récits, ni l'évolution économique, sociale, sociétale, religieuse et politique de la ville. Et de fait, on essentialise le patron, l'ouvrier, le catholique, le protestant, la gauche, la droite, sans aller plus loin dans le questionnement. Et le paradoxe devient donc vulgate. Une vulgate qui serait efficiente de 1851 à 1980 à peu près. Et je reprends là la définition qu'a donnée l'historien Pierre Laborie, décédé il y a peu de temps. La vulgate, c'est une idée simple, une vision univoque, aussi indifférente à la diversité du corps social et de l'espace chronologique, qui se répète et qui finit par devenir le seul récit possible, légitime. Et en effet, cette vulgate a fini par, de fait, rendre le fait de rendre aux ouvriers une part de leur histoire quasi impossible. Donc, pour conclure, c'est bon ? Pour conclure, ce ne sont pas tant les dissensions religieuses qui clivent, mais plutôt les sensibilités conservatrices ou progressistes au sein des communautés religieuses. Les élus protestants orthodoxes, les élus catholiques et les clergés se retrouvent sur nombre de points quant aux valeurs à défendre. Le travail, la piété, la patrie. Ces marqueurs sont encore opératoires aujourd'hui. Mazamet n'a plus de maire de gauche depuis 1919. Et aux dernières élections municipales, il y avait deux listes de droite qui, à elles seules, ont capté 70% des suffrages, une plutôt à tendance protestante, l'autre à tendance catholique. La liste de gauche est arrivée derrière. Alors bon, l'union de la gauche, c'est même pas une question à Mazamet, vu le contexte, ils discutent pas. Ils arrivent à 17% à peu près, le Front National, pas mal derrière. Deuxième point, arriver à tendre vers une écriture qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas ou ne la demandent pas. Les ouvriers ou anciens ouvriers, mais aussi les femmes, mais aussi les étrangers, parce que l'immigration espagnole, l'immigration maghrébine, l'immigration turque, a été importante dans cette ville. Elle n'est jamais évoquée quand on parle du passé, de l'histoire de cette ville. Donc il faut continuer à s'intéresser, comme nous essayons de le faire, à ces liaisons officieuses entre élites religieuses, économiques et politiques des années 1900 à 1940 et aux représentations qui en découlent depuis, pour tenter de rendre du sens à une histoire qui semble si convenue et si consensuelle, y compris pour ceux qu'elle ne convoque jamais dans sa construction ou si rarement. Il faut enfin historiciser et les faits et leur mise en récit. Et on voit émerger des ruptures. Par exemple, en 1944, la CGT mazamétaine rallie les idéaux de la centrale nationale. En 1968, la CFDT, ex-CFTC et la CGT parviennent à mobiliser les ouvriers mazamétains dans des actions communes. Et il faut enfin s'essayer, peut-être, à oser une histoire qui tente de dénouer les complexités trop souvent occultées et suivre ainsi la Borie que j'ai déjà citée, qui écrivait en 2011 que l'histoire, c'est non seulement un savoir établi comme il se doit, mais une réflexion critique sur la construction, la transmission et les usages de ce savoir, avec comme ligne de conduite le souci de déchiffrer les certitudes nourries de l'air du temps et de questionner obstinément les évidences. Je vous remercie.